بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال المصنف رحمة الله عليه وتوقفنا عند قول المصنف والنوع الثاني من الشرك، النوع الثاني من الشرك. قال الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين. Donc on va continuer inshallah sur notre lecture du livre تجريد Tawhid al-Mufid, en implorant Allah Azza wa Jal qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actes. À travers nos paroles et nos actes. Donc l'auteur dit, et on avait dit dans la dernière assise, on avait commencé l'étude lorsque l'auteur a cité les deux formes de polythéisme. Lié à la seigneurie et lié au domaine de l'adoration. Lié à la seigneurie et lié au domaine de l'adoration. Dans ce qui a précédé, l'auteur a détaillé le polythéisme shirk dans le domaine de l'adoration, fil uluhiyya. Et donc, dans la dernière assise hier, on a terminé donc cette partie-là, shirk fi al-uluhiyya, cette partie-là où l'auteur a expliqué le sens de cela. Par contre, bien sûr, il va y revenir à des formes dans ce qui va suivre. Et là maintenant il dit وَالنَّوْعَ الثَّانِي مِنَ الشِّرْكِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي الرُّبُوبِيَّ. Maintenant il revient au deuxième genre, le polythéisme dans la seigneurie. Donc on reprend où on s'est arrêté hier lorsqu'il dit la deuxième forme de shirk, un shirk dans la seigneurie. قَالَ الْمُصَنِّي فِي الْمَتْنِ فِي كَلَامِي كَالشِّرْكِ مَنْ جَعْلَ مَهُ خَالِقًا آخَرَ كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير يقولون له بلسان الفارسية يزدان والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرمان. قال رحمه الله وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها من العقول والنفوس وأن مصدر هذا العالم عن العقل عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحته مدبره ومدبره. قال وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك في العالم إذ يتضمن من التعطير وجحد إلهيته سبحانه وتعالى وربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنه مجوس هذه الأمة وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله إياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادات، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، والطواف بغير البيت المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد. Donc là j'avance un peu dans le متن, dans la parole de l'auteur et l'œuvre de l'auteur, dans son explication et son détaillé du polythéisme lié à la seigneurie. Donc regardez ce que l'auteur nous dit dans son explication, après qu'on ait parlé, étudié le shirk fi al-uluhiyya. Qala, en ce qui concerne la deuxième forme, le shirk fi al-rububiyya. Qala, la deuxième forme d'association concerne la seigneurie d'Allah. Vous avez vu, hein, c'est la deuxième forme. Elle concerne al-rububiyya. Il dit, une traduction de ses paroles, elle est pratiquée notamment par Al-Majus, comme on a cité dans des assises précédentes. Al-Majus, qui eux reconnaissent deux créateurs. Al-Majus, eux reconnaissent deux créateurs. Donc leur polythéisme, il est lié au domaine de la seigneurie. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont compris dans les assises précédentes le sens de la seigneurie, le monothéiste, celui qui croit en l'unicité de la seigneurie, il croit en un seul seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azzawajal n'a pas d'associé ni de partenaire qui l'ait aidé à créer cet univers. Il en est le maître absolu, subhanahu wa ta'ala. Et comme il est le seigneur, il est souverain absolu aussi, donc c'est celui qui mérite al-ubudiyya. Al-Majus, eux, ont cru en deux créateurs. Un créateur du bien et un créateur du mal. Un créateur pour le bien et un créateur pour le mal. Comme certains disent aussi, un créateur pour la lumière et l'obscur. Et de ce fait, l'un représente le bien, et pour eux, celui qui représente le bien, ils le nomment dans leur langue. Pourquoi ? Parce que les Majus étaient perses à l'époque. Donc, dans leur langue, ils nomment ce créateur pour eux du bien, Yazdan. Comme cela, dans leur langue, comme le rapporte l'auteur. Et le créateur du mal, يَقُولُونَ لَهُ الْمَجُوسُ بِلِسَانِهِمْ أَهْرَمَنْ. Ils nomment le créateur du mal Ahraman. Donc pour eux, dans leur croyance, ils croient en deux créateurs. Donc ça, c'est un polythéisme dans la seigneurie. C'est pour ça qu'on appelle ça شِرْكْ فِي رُبُوبِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. L'un représente le bien, comme on l'a dit, pour eux, et l'autre représente le mal. Celui-ci, c'est Ahraman. Il incarne le mal. Et selon les philosophes et leurs adeptes, seule une unité simple peut émaner d'Allah, du Créateur. On a aussi le shirk d'Al-Falasifa, ce qu'on appelle Al-Falasifa, comme ils sont nommés dans de grands livres par de grands savants qui les appellent Al-Falasifa. Ceux qui, dans des siècles anciens, ont hérité de ce qu'ils appelaient la sagesse grecque. Et donc de cela, en suivant cela, Fasummu, ils ont été nommés Al-Falasifa. Eux aussi, Al-Falasifa. وَمَنْ تَبِعَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ بَصِيطٌ إِلَّا وَاحِدٌ بَصِيطٌ. Dans une traduction, aussi bien Al-Falasifa et les adeptes, les disciples de ces philosophes, eux ont cru en ce qu'ils appellent l'unité simple. L'unité simple qui, elle, émane du Créateur. Et pour eux, donc, toute la création proviendrait des intellects et des nufus, des âmes. Pour eux, la création, elle provient des intellects et des nufus, des âmes. Et donc pour eux, il y a l'intellect actif, qui lui sera à l'origine de notre univers. Il sera ainsi le seigneur et le gérant de tous les éléments, sauf ou sous sa royauté. Sous sa royauté. Donc vous avez vu, pour Al-Falasifa, eux, ils croient que ce monde provient des intellects et des nufus, de sorte qu'il y a un intellect qui est actif, et de sorte que celui-ci serait à l'origine de cet univers. C'est ce que l'auteur cite et nomme en arabe, c'est la traduction de « Wa anna masdar al-makhlouqat inda al-falasifa kulliha anil uquli wan nufus anil uquli wan nufus wa anna masdar hadha al-alam anil aqli al-fa'al anil aqli al-fa'al » Donc l'origine de ce monde serait liée à ce qu'on appelle al-aql al-fa'al, on traduit ici de manière relative, l'intellect actif. فَهُوَ رَبُّ كُلِّ مَا تَحْتَ وَمُدَبِّرُهُ. Et donc cet intellect actif, ce aql al-fa'al, serait alors seigneur de tout ce qui se trouve sous ça, sur ce royaume. Et donc là on voit que c'est du polythéisme, c'est du shirk, c'est avoir assigné un associé, un semblable à Allah Azzawajal, dans le domaine de l'adoration ou bien dans le domaine de la seigneurie. On est dans la seigneurie. On est dans le domaine de la seigneurie. Regardez ce que va dire le shir, l'auteur, plutôt le mu'allif. L'auteur, l'imam al-Maqrizi, décédé, on l'a dit, en 854 de l'Hégire. Donc un savant, le mi-9e siècle de l'Hégire. Regardez ce qu'il dit. Il dit ce polythéisme-là, 54, on s'était trompé. Il dit, ce shirk-là, qu'on vient de citer là, dans le Rububiyya, c'est le pire shirk qui s'est produit sur Terre. Qala, regardez ce qu'il dit. Il dit, cette forme d'association est pire que celle d'El Mushrikin, d'El Majus ou d'El Nasara. Ce polythéisme qu'on vient de citer là, il dit, c'est la pire forme de polythéisme. Regardez. هذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوسي والنصارى. Il dit, ce shirk-là, il est encore pire que le polythéisme des adorateurs d'idoles et de représentations et de statues. Il est pire que le polythéisme des Majus, qu'on a cité précédemment. Ceux qui, pour eux, ce monde a été créé par, à l'origine de ce monde, pour eux, ils croient en un créateur du bien et un créateur du mal. Ce qui est nommé dans leur langue Yazdan ou Ahraman. Ce polythéisme qui vient de citer, l'auteur dit, est encore pire. Qala. Il donne une traduction. Elle est la croyance la plus ignoble que le monde n'ait jamais connue. Subhanallah. Ça, c'est pour des spécialistes dans le domaine du tawhid. Ils savent reconnaître les différentes catégories de shirk et la gravité de celle-ci. C'est dû à une profonde connaissance de cela. Voilà. Elle consiste, cette forme de polythéisme, qui est l'une des formes les plus ignobles. Il dit, celle-ci consiste en effet à renier la divinité et la seigneurie. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, elle consiste à renier la divinité et la seigneurie. Et elle est affiliée et à affilier plutôt, à attribuer la création à un autre que notre créateur. Rabbul Alamin, Allah. Donc ici, c'est attribuer la création à un autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, comme aucune, il dit, civilisation ne l'a jamais fait. Comme aucune civilisation ne l'a jamais fait. C'est pour cela, pour bien comprendre cela, revenez à l'histoire des prophètes et des messagers, les différents peuples. Et la divergence qu'il y avait entre eux et leurs prophètes. Depuis Nuh, alayhi salam. Il faut relire les histoires qu'il y a dans le Coran. Les histoires qui sont mentionnées dans le Coran, elles sont pas là. Allah Azzawajal ne les a pas narrées, ne les a pas enseignées, donné connaissance de ces histoires-là, pour que dans le livre seulement il y ait des connaissances de ces histoires, mais parce qu'il y a des leçons à tirer. Il y a des enseignements à tirer qui sont immensément bénéfiques. D'ailleurs, c'est les meilleures histoires que vous pouvez trouver. Vous trouverez jamais meilleure histoire à raconter si ce n'est les histoires qui sont dans le livre de notre Créateur, des prophètes et des messagers. Et malheureusement, très peu de gens se perfectionnent et s'approfondissent dans la connaissance de ces histoires qu'il y a fi kitabillahi azza wa jal. Comme l'histoire de Nuh, comme on l'a dit précédemment, l'histoire des grands messagers, de Younous, l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Vous avez vu, souvent on les répète, les noms des prophètes. Souvent, on répète les noms des prophètes. Pourquoi ? Parce que c'est un honneur pour nous d'évoquer ces noms-là, les noms des prophètes. Ainsi, leur histoire, c'est un honneur pour nous d'évoquer leurs noms, puisqu'ils sont évoqués dans le livre de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc il est important de comprendre le polythéisme de ces peuples. Et si vous méditez ces histoires, vous allez remarquer et vous allez déduire des enseignements qui sont d'une valeur incommensurable. De nombreux enseignements. Et vous pouvez même comparer les différents peuples. Vous pouvez comparer les différentes générations. Et l'auteur, donc, à son époque, c'est pour cela que j'ai bien stipulé, l'auteur, on le redit, mi-9e siècle de l'Égypte. Regardez ce qu'il dit. Il dit que had al-shirk, qu'on vient de citer, wa min shar, ou shar min shirki ubad al-asnami wal-majus, wa nasa wa huwa akhbath shirkin fil alam. Akhbath shirkin fil alam. Pourquoi maintenant? إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهية سبحانه وتعالى وربوبية. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on a un polythéisme dans la seigneurie et un polythéisme dans l'adoration. Or, on revient maintenant à l'histoire des prophètes. En général, les prophètes, l'antagonisme et la divergence qu'ils avaient avec leur peuple étaient surtout dans le domaine de l'adoration. Était surtout dans le domaine de l'adoration. Mettre dalil ala hada. Il y a beaucoup de preuves sur cela. Malakum min ilahin ghayru. Les prophètes disaient, ya qawmi, ô mon peuple, malakum, qu'avez-vous à adorer d'autres divinités que lui? Ils disaient, les prophètes, malakum min ilahin ilah. Donc c'est celui qui est adoré. Pour ça, les prophètes, dans les versets, il dit qu'ils disaient à leur peuple, u'budullah, adorez le Seigneur. Donc on voit que là, la divergence était surtout dans le domaine de l'adoration. Sinon, ces peuples-là anciens, comme le peuple de Had, de Thamoud, étaient des peuples qui, en majeure partie, la seigneurie d'Allah, ils la connaissaient et la reconnaissaient. Mais la divergence qu'il y avait avec les prophètes, c'était dans le domaine de l'adoration. Or, pour cela, l'auteur, il dit, or, ce shirk qui vient de mentionner là, il dit aussi bien, il y a une négation du domaine de l'Ubudiyya, mais du domaine aussi de la seigneurie. Et en même temps, on attribue donc la création à un autre que le Créateur. Il dit comme aucune civilisation ne l'a jamais fait. Il dit quant à l'association de la tendance al-qadariya. On revient, vous avez vu dans des assises précédentes, on a parlé de Al-Qadariya. Et souvent, Al-Qadariya, ça revient, puisque dans le récit, Al-Qadariya, dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé Al-Qadariya avec Al-Majus. Al-Majus, ceux qui croient en deux créateurs, comme on a dit précédemment, le créateur du bien et le créateur du mal. Yazdan wa Ahraman, selon la langue perse. Allahu alam, ensuite, si c'est bien prononcé. En tout cas, c'est comme c'est dit dans le texte en arabe. Et donc, Al-Qadariya, on avait expliqué le motif et la cause pour laquelle eux, dans le récit, donc certains savants considèrent que le récit remonte véritablement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'autres savants considèrent que le récit n'est pas forcément authentique. Mais il remonte aux compagnons. Ça remonte à certains compagnons. Et comme il est dit donc dans le récit, Al-Qadariya majusu hadhihi al-umma. Al-Qadariya, cette tendance qui a émergé dans le monde musulman, cette tendance innovatrice, cette secte, hein, Al-Qadariya, qui étaient les négateurs du destin, qui eux ne croyaient pas en la prédestinée, au destin d'Allah Azza wa Jal. L'homme est lui, créateur de ses actes. C'est l'homme qui, à la base, n'a de ses actes, mais qui est créateur de ses actes. Et on avait dit que dans le Coran, Allah nous dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Allah vous a créé et ce que vous faites aussi. Donc, depuis les premières générations, cette tendance-là de nier le destin et le décret d'Allah, la prédestinée, al-qadr, c'est quelque chose de dans notre religion de grave. Pourquoi ? Parce que la croyance au destin, c'est le sixième pilier de l'islam. Alors, on peut croire au tawhid, comme disaient les savants. Une personne peut être monothéiste dans le domaine de la seigneurie, dans le domaine de l'uboudiya, mais s'il nie al-qadr, s'il nie la prédestinée et ne croit pas au destin et au décret du Créateur, alors son monothéisme est annulé et non valable. لِأَنَّهُ رَكْمْ مِنْ أَرْكَدِ الْإِمَانِ Parce que c'est un pilier parmi les piliers de l'Iman. Et c'est le sixième pilier de l'Iman. Et donc le croyant croit en Al-Qadr. Et c'est pour ça qu'il est rapporté d'Abd al-Ibn Abbas qui disait Al-Tawhid ou Al-Qadr Nizam Al-Tawhid. Al-Qadr c'est le Nizam du Tawhid. On comprend que tout tourne autour de la prédestinée. Donc Al-Qadariya, dans le récit, ont été comparés au Majus. Et on ne va pas revenir sur la cause pour pouvoir avancer, puisque la cause, on l'a citée dans les assises précédentes. Qal al-Musannif rahimahullah, une traduction de ce qu'on a lu. Alors, Shirk al-Qadariya, mukhtasarun min hadha, wa babun yudkhalu minhu ilayh. ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. Et donc c'est même confirmé ce récit-là de Abdallah ibn Abbas, des deux compagnons, et aussi bien de Abdallah ibn Omar, qui eux confirment ce récit-là qu'ils ont comparé le Qadariya au Majus. Et donc l'auteur dit, quant à l'association de la tendance al-Qadariya, elle est un aperçu. Elle est même une porte qui y mène aisément vers ce shirk qu'on a dit précédemment concernant la seigneurie. C'est pourquoi les compagnons, comme c'est une porte qui mène aisément à cela, l'auteur dit c'est pourquoi les compagnons les comparaient au Masdeh, au Majus. Il les comparaient au Majus, comme le confirment certaines annales imputées à Ibn Omar ou Ibn Abbas. Et certains compilateurs de Sunan rapportent même un hadith qui remonterait jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la parole de l'imam al-Maqrizi, de l'auteur lui-même. Et il dit, et il apparaîtrait que certains savants, des sunan et compilateurs, rapportent même un hadith, ce hadith dont on a fait allusion précédemment, qui remonterait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon lequel il serait les mains d'air de cette communauté. Et ce récit-là, il est rapporté par l'imam Ahmed, comme on l'avait déjà stipulé, par Abu Daoud. Et lui, Sheikh al-Albani le considère bon. Il est rapporté que Sheikh al-Albani l'a considéré bon en regard d'autres hadiths qui en témoignent. Par rapport à d'autres récits et d'autres chaînes de transmission, Sheikh al-Albani le considère Hassan. Hassan le récit où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que Al-Qadariya, les négateurs du destin qui sont apparus dans notre communauté, et ça c'est à l'époque des compagnons, Majusu hadhihi al-umma. Thumma qala al-musannif, après qu'il ait fait allusion au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit, et donc cette forme d'association que nous avons recensée s'avère dans de nombreux cas chez une seule personne, mais il est possible qu'elle en décèle une seule. Ça, c'est la traduction lorsqu'il dit وَقَدْ رَوَى أَهَلُ السُّنَنِ فِيهِمْ ذَلِكَ مَرْفُوعًا أَنَّهُمْ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَكَثِيرًا مَا يَجْتَمِعُ الشِّرْكَانِ فِي الْعَبْدِ وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَ عَنِ الْآخَرِ C'est dans le sens que, et donc, souvent, il dit, après que l'auteur, maintenant, nous ait parlé du shirk al-Rububiya, et avant, il a parlé du shirk al-Uluhiya, maintenant, il dit, وَكَثِيرًا مَا يَجْتَمِعُ الشِّرْكَانِ فِي الْعَبْدِ Là, il sous-entend الشِّرْكَانِ فِي الْرُّبُوبِيَّةِ وَفِي الْأُلُوهِيَّةِ Et il dit, souvent, c'est les deux formes. C'est les deux formes qu'on peut déceler chez l'individu. L'individu, parfois, il donne un associé à Allah Azza wa Jalla aussi bien dans la seigneurie et aussi bien dans le domaine de l'Uluhiyya, de la formation. وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ Et parfois, on trouve que le shirk, il est lié que au domaine de l'adoration. ou parfois au domaine de la seigneurie. ثم قال والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك قوله تعالى إياك نعبد. Et tous les livres qu'on appelle les livres célestes, comme on avait fait allusion à cela dans la dernière assise, tous les livres provenant d'Allah, aussi bien la Torah, puisque la Torah elle est citée dans le Coran, Allah a véritablement révélé la Torah. L'Injil, l'Évangile a été révélé véritablement par notre Créateur, par Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien dans le noble Coran et dans tous les livres célestes. Tous les livres célestes, il dit dans tous les livres qu'Allah azzawajal a révélé, ces formes de polythéisme ont été réfutées. Ont été réfutées. Ka qawlihi ta'ala iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud. Et hier, on avait donné une faïda qu'ont donné certains savants dans l'explication de ce passage. En l'occurrence, Cheikh Abd al-Razzaq donne une très belle faïda dans l'explication de ce passage où on arrive au passage où l'auteur nous cite les deux versets, ou plutôt le verset dans Sourate al-Fatiha, le verset 5. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Que tout le monde a mémorisé et connaît. Cheikh Abd al-Razzaq, dans le commentaire de cela, il dit ce verset-là, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, sont protection. Allah Azza wa Jalla nous protège. Il y a une protection contre le polythéisme dans la seigneurie et le shirk dans l'ubudiyya, dans l'adoration. Et en même temps, le shirk dit, comme on l'a stipulé hier, à titre de rappel, il dit lorsqu'on dit dans le verset « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in » c'est un mithaq, c'est un ahd, c'est comme un engagement, c'est un pacte que le serviteur prend avec son seigneur. « Iyyaka na'bud » c'est toi que nous adorons. Iyyaka nasta'in. On avait dit, lorsqu'on dit Iyyaka na'bud, ça nous protège du polythéisme dans l'adoration, dans le domaine de l'adoration. Et lorsqu'on dit Iyyaka nasta'in, ça préserve du polythéisme dans Ar-Rububiyya, dans la seigneurie. C'est pour ça que certains savants disent c'est un ahd et un mithaq. Et si le croyant, le musulman et la musulmane préservent cet engagement, qu'on dit plus de 17 fois par jour, au minimum, dans toutes nos prières, chaque unité de prière, on lit le Fatiha. Et combien, subhanallah, dans notre nation, dans notre communauté, parmi les musulmans et les musulmanes, ils disent « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in » à toutes leurs prières, mais dès que l'enfant il est malade, ils prennent l'enfant et commencent à invoquer « Al-Wali Fulan », à l'emmener devant la tombe du Wali Fulan. Dès qu'ils ont de gros problèmes, il faut aller chez « Sahir » ou « Al-Kahin », le chef du village, il faut aller vers la tombe. Alors ils prennent leurs enfants. Et pourtant ils disent, Iyyaka na'bud, c'est toi donc que nous adorons. Et lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont de gros problèmes, lorsqu'ils sont en difficulté, ils implorent Allah et le wali. Et le vertueux. Ces versets-là, lorsqu'on dit, Iyyaka na'bud, c'est un engagement. C'est toi que nous adorons. D'une manière exclusive. Iyyaka na'bud. Ce qui devait précéder a retardé dans la phrase, dans le groupe. Comme cela est la composition. Iyyaka na'bud. C'est-à-dire, c'est toi seul, véritablement, exclusivement, que nous adorons. Toi seul, oh Allah, Azza wa Jal. Le croyant prend un engagement. Si tu respectes ton engagement, tu seras préservé du shirk fi al-ubudiyya. Iyyaka nasta'in. Tu demandes l'aide au maître de l'univers, au créateur de cet univers qui accorde l'assistance et qui soutient ses serviteurs. Qui soutient ses serviteurs. Et Iyyaka nasta'in, tu tiens ton engagement. Les savants disent, vous pouvez vous référer au commentaire de ce passage de Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, où il fait l'explication et il cite cela. Et donc il dit, là il y a une protection contre le polythéisme dans la seigneurie. Donc c'est des versets qui sont immenses. Il faut juste les comprendre, les méditer, et à chaque fois qu'on fait la prière, il faut dire, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi, il faut même celui par exemple qui est pas arabophone. Mais il faut savoir l'essence. Il faut comprendre l'essence. Celui par exemple lorsqu'il est dans sa prière et dit Iyyaka na'bud, il comprend ce qu'il dit. Il sait que là qu'il est en train de dire, il faut qu'il apprenne qu'il est en train de dire c'est toi que nous adorons. Iyyaka na'bud. Et donc méditer l'essence des versets. Soit qu'on entend, ou soit qu'on récite, ça nous permet aussi d'avoir une concentration dans notre prière. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si on peut appeler cette chose de la sorte, mais en quelque sorte, le fléau de chaque prière, c'est le fait d'être déconcentré et d'avoir un manque de khushu et de concentration. Donc, il faut faire toutes les causes pour essayer d'être au maximum, pendant ces quelques minutes de prière, être au maximum concentré. Ça, c'est très important. Fahm al-ma'ani, comprendre ma'ani al-ayat, comprendre l'essence des versets, ça nous permet justement de méditer, d'être concentré et d'être moins préoccupé par cette dunya. Regardez ce que va dire l'auteur lui-même. قال المصنف رحمه الله تعالى بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية. L'auteur lui-même dit, lorsqu'on dit إياك نعبد, ça nie toute adoration autre que le Créateur, subhanahu wa ta'ala, et donc le polythéisme. Et il réitère, vous avez vu? Vous avez remarqué, à chaque fois, on a dit à chaque assise, il réitère al-mahabba. Shirf al-mahabbati wa al-ilahiyya. Vous avez vu? Al-mahabba. Et pourquoi? Parce que dans l'assise d'hier, si on revient en arrière, regardez ce que l'auteur a dit. Il dit lui-même, wa asluhu shirku fi mahabbati Allahi ta'ala. Le polythéisme, il considère, il rapporte que le polythéisme fil uluhiyya, ça c'est lorsqu'on a expliqué la partie sur l'uluhiyya, la base du polythéisme dans l'adoration, c'est lié à al-mahabba. Ça revient à al-mahabba. C'est pour ça qu'il cite souvent le verset, wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashadd hubban lillah. Et pourquoi? Parce qu'il dit wa asluhu yani ash-shirku fil 'ubudiyyah wa fil uluhiyyah asluhu ash-shirku fi mahabbati Allah ta'ala. Asluhu الشرك في محبة الله. Et donc là il le réitère. Il dit فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية وقوله إياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. Vous avez vu l'auteur lui-même dit, et le shirk dans, ou plutôt la parole, le verset إياك نستعين, et c'est de toi dont nous implorons l'aide, réfute le polythéisme lié à la création et à la seigneurie. فتضمنت هذه الآيات تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة. Qu'est-ce que ces versets sous-entendent? Tajrid al-tawhid fi al-ibadah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre unicité, notre croyance en l'unicité du Créateur subhanahu wa ta'ala devient pure dans le domaine de l'adoration. Nous en français on dit devient pure, c'est-à-dire tajrid al-tawhid, elle est vraiment dépouillée de toutes les formes de polythéisme. Et toutes les formes de polythéisme, c'est comme si elles y sont extraite. Et donc cette croyance, cette unicité, ce monothéisme devient pur. Déjà on se posera la question, mais pourquoi les musulmans parlent que de monothéisme, de tawhid? Mais parce qu'on est la religion du monothéisme. C'est la religion du tawhid. À quoi bon sert de venir à la mosquée de prier, de jeûner le mois du ramadan, de donner sa zakat, de faire le pèlerinage à la Mecque, si on ne réalise pas le monothéisme pur? Pourquoi? Parce que l'acceptation de nos adorations est liée à la validité de la kalimat la ilaha, du premier pilier de l'islam. C'est pour ça que le souci de tout croyant et de tout croyante, c'est de réaliser la parole la ilaha illallah et d'être monothéiste. Parce que c'est ça la religion de l'islam. C'est la soumission à un créateur unique. C'est ça le but du musulman. Et donc, sa prière soit vouée au Créateur subhanahu wa ta'ala, son pèlerinage est pour le Créateur. On fait tawaf nous autour de la Kaaba. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré que la Kaaba, c'est la maison antique sacrée. Et donc, Allah azza wa jal nous a commandé de faire 7 tours autour de la Kaaba. Pourquoi on fait 7 tours? Quelle est la sagesse de faire 7 tours? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Istislaman lillah azza wa jal, par soumission à notre Créateur. Quelle est la sagesse? Il y a une sagesse. Qu'on connaisse la sagesse ou non des 7 tours, d'embrasser la pierre noire, c'est par soumission à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. De ce fait, on ne peut pas faire tawaf autour d'une autre maison que la maison sacrée antique à la Mecque. Et comme cela est et le croyant. Et donc, lorsque on a une bonne croyance en notre Créateur, c'est là que le musulman atteint une haute moralité et des bons comportements. Et des bons comportements. Parfois, on se plaint du manque de comportement. Parfois, on peut être touché par un manque de comportement. Mais parfois aussi, les causes sont liées au fait, sont liées à notre croyance. On n'a pas atteint le degré de méditer Tawhid, de méditer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de méditer l'élévation dans le sens de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, plus on médite cela, plus on apprend le monothéisme pur, plus on adore notre Créateur subhanahu wa ta'ala, et plus on va essayer d'avoir le meilleur des comportements. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Allah azza wa jal nous voit, notre Créateur. Nous voit. C'est pour ça que si vous regardez dans des siècles anciens jusqu'à aujourd'hui, on trouve certains musulmans qui ont atteint des degrés de comportement immenses et un degré de moralité immense, dû au fait de leur compréhension de tout cela. Ils comprennent les paroles d'Allah Azza wa Jal. On peut donner à titre d'exemple, par exemple, très belle histoire. Sahib al-Aqd. Vous avez déjà entendu la célèbre histoire Sahib al-Aqd. C'était un shaykh, un imam fil hadith. C'était un shaykh. Lorsque je vais vous relater l'histoire, vous allez sûrement vous rappeler, cette histoire est célèbre. Elle est relatée par Ibn Rajab et de grands savants qui relatent cette histoire. Et il y a de nombreuses leçons dans cette histoire. Et de ce fait, on voit ceux qui ont une croyance, qui croient en leur Créateur subhanahu wa ta'ala, et s'efforcent toujours d'avoir un bon comportement. Regardez Allah Azza wa Jal, comment il leur accorde une issue ajib. La meilleure des issues, l'issue favorable. Lui-même était qadi, c'était un juge. Et plus tard, lui-même raconte son histoire. Il va raconter son histoire. Et il dit un jour, il était parti au pèlerinage. Faire le pèlerinage à la Mecque. Et au pèlerinage, il était démuni. Il n'avait rien. Même à manger, il n'avait plus à manger. Et donc, il était très pauvre. Il était très pauvre. Lui-même le relate. Il n'avait pas de quoi manger. Il n'avait pas d'argent. Rien. Donc c'était très dur. Un jour, alors qu'il est sorti, il a trouvé un sac de soie. Et dans ce sac, il y avait un collier en perles qui valait des milliers de dinars, qui valait une fortune. Ce sac-là, il valait une fortune. Lorsqu'il l'a trouvé, ce sac, il l'a pris et il l'a ramené chez lui. Il l'a ramené chez lui. Ensuite, il s'est dit qu'il va faire ce qu'il fallait faire. Lorsqu'on trouve un objet perdu, ensuite il faut faire l'annonce. Il faut annoncer. Donc lui, il a fait l'annonce. Et puis en sortant, il a entendu un homme, un vieil homme, un ajouz, un cheikh, qui disait qu'il avait perdu un sac et que celui qui retrouvait son sac, il lui donnerait une récompense de 500 dinars. À l'époque, 500 dinars, c'était une grande somme. Donc pour celui qui retrouverait et lui restituerait son sac, il a promis une somme de 500 dinars. Il faut bien mettre le frère dans la direction de la Qibla. Naam. Oui. Et alors, il a pris le sac et l'a restitué au vieil homme. Mais avant, il a fait la sunna. La sunna, c'est avant de donner, il faut être sûr. Donc il a demandé au vieil homme de lui décrire ce sachet, de lui décrire avec exactitude ce qu'il y avait à l'intérieur pour être sûr que c'est Sahib al-Aqd, pour être sûr que c'est lui le propriétaire. Alors il est rapporté que l'homme lui a tout décrit, le vieil homme. Il lui a tout décrit. Donc après, il a été sûr que c'était à lui. Donc il lui a restitué, il lui a donné. L'homme était tellement content. Alors il lui a donné les 500 dinars, cette grosse somme. Et lui, au départ, il s'est dit, je vais lui rendre, je vais gagner les 500 dinars. Et vraiment, il en avait besoin. Imaginez-vous, vous êtes à la Mecque. Imaginez-vous l'époque. Si je me trompe pas, l'histoire se passe Un shir qui racontait l'histoire a dit qu'elle se passe entre le 5e et le 6e siècle. Donc on est entre l'an à peu près 600, ou plutôt, pardon, 400. L'an 400 donc, et 500, entre le 5e et 6e siècle. Mais j'ai vu là, la Mecque, il n'a rien. Donc vraiment, ça allait l'aider. Ça allait l'aider, cette somme d'argent. Et puis après, au final, lorsque le vieil homme lui a remis l'argent, il a décidé de ne pas prendre. Au final, il a dit à l'homme non. Et l'homme, là, lui a dit non, prends. Il lui a dit non. Il ne voulait pas la prendre. Il lui a dit prends-la, c'est en récompense de ce que tu as fait. Et il a dit non. Il voulait la récompense d'Allah. Il a eu peur que ensuite ça entache la récompense qu'il a auprès d'Allah. Donc il n'a pas pris. Il est resté dans sa situation. Subhanallah. Alors après, il dit, après le pèlerinage, lorsqu'il s'en alla, il a quitté la Mecque. Et après, il a voyagé. Et lors de son voyage, il fallait qu'il embarque un bateau. C'est un périple. Il embarque, il monte dans le bateau, et à un moment donné, le bateau se noie. Le bateau va couler plutôt, pardon. Le bateau coule. Et tous les occupants du bateau se noient. Il est le seul rescapé. Il arrive à se tenir sur une planche, salloh, comme il est dit dans Filqissa, à se tenir sur une planche, et il arrive à rester comme ça, sans couler, sur cette planche. Jusqu'à ensuite, ça va le mener dans une petite île, dans une île. Il arrive dans l'île, en descendant dans l'île, là, il trouve des gens et une mosquée. Des gens et une mosquée. Il était dans un état, je vous laisse imaginer, il a embarqué ce bateau, le bateau a coulé, tout le monde s'est noyé. Dans la Qissa, il est rapporté qu'il dit que c'est le seul rescapé. Alors après, lorsqu'il était dans cette petite île, il a prié. Et les gens l'ont entendu réciter le Coran. Réciter le Coran. Lorsqu'ils l'ont entendu réciter le Coran, les gens sont venus à lui et lui ont dit « Tu sais réciter le Coran ?» Ils ont vu sa belle voix et sa récitation. Il a dit « Naram ». Ils ont dit « T'as appris le Coran ?» Il a dit « Naram ». C'est un cheikh, c'est un talab al-ilm. C'est un grand talab al-ilm. Cheikh. Putain, c'est un grand qadi, soit un grand juge, tout ça. Il a dit « Naram ». Alors, ils ont dit « Enseigne-nous le Coran ». Et les gens ensuite, ils l'ont pris et ils lui ont demandé d'enseigner le Coran. Il a commencé à enseigner le Coran aux gens. Ils ont même ramené les enfants. Ils ont dit, est-ce que tu peux enseigner le Coran à nos enfants? Donc il a commencé à Hafid al-Nas, Kitab Allah. Regardez le Coran. Et là, les gens ont commencé à ramener de l'argent pour le rétribuer. Il a accepté. Et donc, ils l'ont rétribué grandement. Lui-même, il dit, bon, rétribué grandement. Jusqu'à un jour, ils ont vu dans la mosquée qu'il lisait. Parce que la première fois, ils l'ont entendu réciter de mémoire. Mais un jour, ils ont vu qu'il lisait son mushaf. Ils lui ont dit, tu sais lire et écrire? Il a dit, naram. Il a dit, enseigne-nous l'écriture et la lecture. Il a dit, d'accord. Et là, les gens commencent encore à ramener des biens. Et de là, ils ont dit que leur imam était mort. Ils n'avaient plus d'imam. Il leur fallait un imam. Donc, ils ont insisté pour qu'il reste là et il devient un shir, l'imam. Il devient l'imam. Donc, il est resté et les gens l'ont tous apprécié. Sahibu ilm. Sahib Khuluq. Déjà, on voit le comportement qu'il a eu. Alors, il est resté avec eux. Il commence à enseigner le livre d'Allah. Wallahu yarfa bihad al-kitab aqwam. Et le prophète nous dit dans un hadith, Allah élève qui il veut par ce livre. Il élève qui il veut par ce livre. Kitab Allah. Et donc, les gens ont commencé à insister pour qu'il reste. Et lui ont dit, on va te marier. Il n'était pas marié. Ils m'ont dit, on va te marier, tu sais, on a une femme pieuse, ici, une orpheline, et qui a de l'argent. On va te la marier. Et lui a refusé, femme tanar, il ne voulait pas. Après, ils ont insisté. Ils ont insisté. Alors, dans l'histoire, ensuite, il dit, il est parti à la rencontre de cette fille, pour faire ce qu'on appelle le muqabala. Il a fait muqabala. Et lorsqu'il est arrivé devant la fille, il a remarqué qu'à son cou, il y avait un collier de perles. Le même collier, subhanallah, qu'il avait trouvé dans ce sac-là. Et donc, lui, il fixait que le cou de la fille. De sorte qu'il n'a pas regardé la fille. Il n'a pas regardé. Il a fixé que le cou et il se rappelait donc de son histoire. Et il ne fixait que le cou de la fille. Alors, il regardait, jusqu'ensuite, le mentahat hadil al-muqabala, lorsqu'elle s'est terminée. Alors, les gens sont venus à lui et lui ont dit « Kassart qalb al-sabiyya ». Tu as cassé, tu as brisé le cœur de Sabiya, de l'yatim, de cette fille. Tu lui as brisé le cœur. Parce qu'elle avait remarqué qu'il ne l'a pas regardé pendant toute la rencontre. Donc elle s'est dit, c'est un malaise pour elle. Elle s'est dit que c'était par rapport à elle. Mais lui, en fait, il regardait que le collier. Et lui, il pensait à son histoire, subhanallah. Et c'était pas pour vexer la fille, mais du fait qu'il ne l'a pas du tout regardé, il n'a pas posé l'œil sur elle, la fille, alors son cœur a été brisé. Et lui ensuite, il leur a expliqué son histoire, que son but c'était pas de briser le cœur de la fille, mais il a expliqué l'histoire. Et là, les gens, ta'adjabou, ils ont tous fait takbir. Tout le monde faisait takbir. Et ils appelaient les gens de la contrée. Les gens venaient, ils affluaient. Et ils racontaient l'histoire. Ils disaient « Tekbir ». Et lui, « Starab ». Il s'est étonné, il me dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont ?» Et tout le monde faisait « Tekbir » tout ça. Et lui, on dit « Mais tu es l'homme !» Il dit « Quel homme ?» Il lui dit « Bah en fait, son père à elle, à chaque fois, il faisait « Dua ». Parce que celui à qui il avait restitué le collier, c'était le père de la fille. Et à chaque fois, les gens de l'île entendaient le père avant qu'il meure. À chaque fois, il faisait dua. Oh Seigneur, fais-moi rencontrer cet homme que je marie ma fille. Et il disait à chaque fois aux gens, j'ai rencontré un homme à la Mecque, un homme dont j'ai jamais vu avec un tel comportement. Parce que vous vous rendez compte, premièrement, il lui a restitué le dépôt. C'était pas un dépôt, hein, c'est quelque chose qu'il a trouvé. Il aura pu se taire. C'était un collier d'une immense richesse, plutôt d'une grande valeur. Il aurait pu ne pas le restituer. Il l'a restitué, en plus, il y avait une récompense, 500 dinars, qu'il a refusé. Le père s'est étonné. Et lorsqu'il est revenu, il dit, j'ai jamais vu un homme avec un comportement comme celui-ci. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de comportement. Fadal. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وتنلغ السيئة والفضل الله طيب نكمل هذه القصة. Alors à la fin de cette histoire, il est dit, lorsque, alors il a raconté son histoire, alors c'est là que les gens, on a dit, tous étonnés, ils ont fait takbir, et lui il leur dit, ma bikum, mais qu'est-ce que vous avez? C'est là qu'ils disent, فَقَالُوا ذَلِكَ الشَّيْخَ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ الْعَقْدِ أَبُو هَذِهِ الصَّبِيَّ. Ils ont dit, ce cheikh donc avait récupéré, dont tu lui avais restitué ce collier, c'était le père de cette fille. وَكَانَ يَقُولُ مَا وَجَدْتُ فِي الدُّنْيَا مُسْلِمًا كَهَذَا. Et il disait, je n'ai jamais vu un musulman dans cette vie comme celui-ci, comme celui-là, celui qui avait restitué l'aqd. Et donc, وَكَانَ يَدْعُو وَيَقُولُ وَالرَّجُلُ كَانَ يَدْعُو ويقول اللهم اجمع بيني وبينه حتى ازوجه ببنتي. Et il disait dans son invocation à chaque fois, ô Seigneur, fais-moi rencontrer, voir cet homme que je le marie à ma fille. Que je le marie à ma fille. والآن قد حصلت. Et ensuite, le cheikh, lorsqu'il raconte son histoire, il dit ensuite ça s'est produit, il s'est marié avec elle. Donc il s'est marié avec elle. قال, mais c'est pas fini. قال, il dit dans son histoire, قال فبقيت معها مدة. Je suis resté avec elle une période, une bonne période. Donc il est resté marié avec elle. ورزقت منها بولدين. Et عليكم السلام ورحمة الله. Et il dit, il a eu deux enfants avec elle. Alhamdulillah, il s'est marié, il est resté une bonne période avec là, avec cette femme, et il a eu deux enfants. Deux enfants. Pourquoi on dit qu'il est resté une période avec cette femme? Parce que malheureusement, ensuite, elle décéda. La femme décéda. Donc, il est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle décède. قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا مَاتَتْ فَوَرَسْتُ الْعِقْتِ أَنَا وَوَالِدَيْ وَوَلَدَيْ. Et il dit, donc, lorsqu'elle est décédée, moi et mes deux enfants, on a hérité du collier. Qui valait très très cher, qui va être après vendu à des milliers de dinars, qui valait très très cher. Il dit, lorsqu'elle est décédée, moi et mes deux enfants, on a hérité de ce collier. قَالَ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدَانِ. Ensuite, plus tard, les deux enfants décédèrent. Il s'est retrouvé tout seul. Ensuite, à la mort des deux enfants, lorsqu'ils décédèrent, ثم مات الولدان فحصل العقد لي فبعثه بمئة ألف دينار أو plutôt فقال فبعته بمئة ألف دينار وهذا المال الذي ترون معي من بقايا ذلك المال انتهى كلامه. Et regardez ce qu'il dit lorsqu'il raconte cela aux gens, cette histoire. Il dit que lorsqu'ensuite ses deux enfants sont morts, plus tard il a vendu ce collier. Le collier, il l'a vendu. Et il l'a vendu des milliers de dinars. Et il dit aux gens, à qui raconte cette histoire, وَهَذَا الْمَالَ أَلَّذِي تَرَاوْنَ مَعِي. Et cet argent que vous voyez avec moi, c'est le reste de la vente de ce collier. Subhanallah. Ça veut dire qu'à la finale, ce collier, il a craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu le garder, ne pas le restituer. Ou bien il aurait pu le restituer et prendre la récompense. Il s'est abstenu. Il a vraiment pensé à la récompense d'Allah Azza wa Jal. Il devait avoir une sincérité tellement forte que regardez ensuite, il n'a rien pris. Il est monté, il a embarqué dans un bateau. Il y a eu naufrage. Tout le monde a péri, sauf lui. Subhanallah. Il se retrouve cheikh dans une contrée, imam dans la contrée. À la fin, il est marié et, sans le savoir, ce collier-là va lui revenir. Sans le savoir, ce collier va lui revenir. Regardez, lorsque la personne, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il ne demandait rien à personne. Il ne demandait rien à personne. Il s'en remettait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on regarde l'histoire des gens sincères, et salihin, wa ahl al-tawhid, on voit que c'est al-ajab al-ujab dans ces histoires. Et ça nous fait penser à l'histoire de Yusuf Alayhi salam, le prophète Youssouf. Alors qu'il était petit, il a été jeté dans le trou. À la fin, il se retrouve avec un haut poste. Personne ne s'y attendait. C'est comme cela lorsqu'on craint Allah. Et cette histoire, regardez, elle est rapportée. Hadihi al-qissa ذكرها كما قلنا ابن رجب وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال آخر ترجمة للإمام الكبير المحدث الفقيه الأديب الألماعي الذكي الأحوذي قاضي مارستان أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 35 et donc c'est l'imam Ibn Rajab, il le rapporte justement. Ensuite en bas on va voir d'où l'imam Ibn Rajab a pris cette histoire, et il dit donc c'est donc l'histoire du grand imam, parce que c'était un grand talab al-ilm, fi'im al-hadith, jama' al-hadith, c'est un grand. Ensuite asbaha imam kabir muhaddith al-faqih, c'est un grand faqih, un muhaddith, un traditionniste surnommé Al-Adib, très ancré aussi dans la science de la langue arabe, Al-Zaki, Al-Ahwadi. Et ensuite, il fut Qadi. C'était un Qadi, et c'est pour ça qu'il était connu, il s'appelait le Qadi de Marastan. Le Qadi de Marastan. Al-Baghdadi, Al-Hambali, Al-Mutawaffa, Sana 35 wa 500. Et donc lui, il est mort en 535 de l'Hégire. Il est mort en 535 de l'Hégire. Donc vous avez vu, ouais, c'est mi-6e siècle. Mi-6e siècle. Et il dit lui-même, lorsqu'il rapporte cette histoire, il dit que cette histoire-là, Ibn Rajab, il dit, il l'a pris de Yusuf ibn Khalil al-Hafiz. Yusuf ibn Khalil الحافظ قال أخبرنا الشيخ صالح بن القاسم عبد الله ابن أبي الفوارس محمد بن علي بن حسن الخزاز الصوفي البغدادي ببغداد قال سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي ابن محمد البزار الأنصاري رحمه الله تعالى قال كنت مجاورا بمكة حرسها الله سبحانه وتعالى فأصابني يوما من الأيام جوع شديد لم أجد شيئا أدفع به عني الجوع القصة. On va pas la redire. هذه قصة طويلة. C'est une longue قصة. Si vous voulez la voir cette histoire, vous tapez صاحب العقد. L'histoire صاحب العقد والمشايخ, beaucoup de mashayikh la relate et vous pouvez la retrouver. Et c'est du القاضي, comme on l'a dit, Abu Bakr Mohammed ibn Abd al-Baqi ibn Mohammed, connu sous le nom de Al-Bazzaz. Al-Imam Al-Bazzaz, rahmatullahi alayhi. Aussi, pour terminer, on fait un rappel. La mosquée, toujours, chaque mois, elle fait une distribution de colis. Une distribution de colis pour les nécessiteux, les muhtajin. Et là, pour ce mois-ci, elle a besoin. Elle a besoin de l'aide des fidèles pour que les gens qui sont sur la liste, il y a des gens, des nécessiteux qui sont dans le besoin, qui sont sur la liste, pour qu'ils puissent avoir leur colis ce mois-ci. Et là, la mosquée fait appel à votre aide pour que les frères puissent acheter les denrées alimentaires. Donc, ils achètent, les frères, avec cet argent, les denrées alimentaires. Ensuite, c'est répertorié, c'est rangé, et ensuite, c'est classifié. Ensuite, c'est fait pour chaque famille, selon les familles, et c'est mis dans des colis. Et ensuite, les frères, bénévolement, eux-mêmes, se chargent de la livraison. Ils se chargent eux-mêmes de la livraison. Et on a même des colis jusqu'à, je me trompe, pas jusqu'à la dans le 93, 95, je crois même. Et donc les frères se chargent de la livraison. On a des familles qui eux-mêmes viennent chercher leur colis ici, à la mosquée, mais il y a des familles qui ne peuvent pas. Donc ceux qui veulent participer à ce khair, à ce bien-là, n'hésitez pas. Donc c'est dans le... Pour donner, faire les dons, c'est sur Cotisop. Le Cotisop de la mosquée. Inch'Allah, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. J'avertis les frères qu'il n'y aura pas cours cette semaine, inch'Allah, pour déjà cette semaine, ou pour les vacances. C'est un des cours, il n'y aura pas cours pour les vacances. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu ilayhi wa sallam, astaghfiruka wa atubu ilayk. Aywa.